Le matin, ode de Théophile de Viau. L'aurore, sur le front du jour, sème l'azur, l'or et l'ivoire, et le soleil, lassé de boire, commence son oblique tour. Ses chevaux, au sortir de l'onde, de flamme et de clarté couverts, la bouche et les naseaux ouverts, ronflent la lumière du monde. La lune fuit devant nos yeux, la nuit a retiré ses voiles. Peu à peu, le front des étoiles s'unit à la couleur des cieux. Déjà la diligente avette boit la marjolaine et le thym, et revient riche du butin qu'elle a pris sur le mont Hymette. Je vois le généreux lion qui sort de sa demeure creuse, hérissant sa perruque affreuse, qui fait fuir Endymion. Sa dame, entrant dans les bocages, compte les sangliers qu'elle a pris, ou dévale chez les esprits, errant au sombre marécage. Je vois les agneaux bondissant sur ces blés qui ne font que naître, Chlorie chantant les mènes paître parmi ces coteaux verdissants. Les oiseaux, d'un joyeux ramage, en chantant, semblent adorer la lumière qui vient dorer leur cabinet et leur plumage. La charrue écorche la plaine, le bouvier qui suit les sillons presse de voix et d'aiguillons le couple de bœufs qui l'entraîne. Alix apprête son fuseau, sa mère, qui lui fait la tâche, presse le chanvre qu'elle attache à sa quenouille de roseau. Une confuse violence trouble le calme de la nuit, et la lumière, avec le bruit, dissipe l'ombre et le silence. Alidor cherche, à son réveil, l'ombre d'Iris qui l'a baisée, et pleure, en son âme abusée, la fuite d'un si doux sommeil. Les bêtes sont dans leur tanière, qui tremblent de voir le soleil. L'homme, remis par le sommeil, reprend son œuvre coutumière. Le forgeron est au fourneau, oi, comme le charbon s'allume, le fer rouge dessus l'enclume étincelle sous le marteau. Cette chandelle semble morte, le jour l'a fait évanouir, le soleil vient nous éblouir, vois qu'il passe au travers la porte. Il est jour, levons-nous, Phyllis, allons à notre jardinage, voir s'il est comme ton visage, semé de roses et de lys. Fin du poème, enregistré par Christiane Johann. Cet enregistrement fait partie du domaine public.